Je m'appelle Gouttelette. Je vois le soleil pour la première fois. Je commence à avoir des amis. Nous sommes la source et nous venons de naître de la montagne. Beaucoup d'autres gouttelettes nous rejoignent. Facile, je monte. je ne suis pas la seule à monter. Je suis attirée, c'est la source. Chouette, ça recommence.